soleil de braise, mais pas raison. Chagrin de sable raconte les hommes. Riders qui l'avance, l'ombre en bandoulière, le Far West renaît dans une prière. Les portes battent d'un vieux salon, le soir s'allume comme une lune, le sax rugit, l'arme au gémit, la poussière dans s'éteignent, mais son regard toujours saigne. Le désert chante, une arme levée, la nuit s'incline.